Chapitre 6e. Cependant, Diane était heureusement parvenue à rentrer au palais, sans être vue de personne, par l'escalier et la porte qui déjà avaient favorisé sa fuite. La duchesse dormait. Elle-même voulut prendre du repos, mais ses yeux ne se fermèrent point. Une inquiétude fébrile la dévorait. Elle voyait les heures s'enfuir, et rien n'annonçait encore le dénouement qu'appelait son impatience. Enfin, après une pénible attente, un bruit lointain frappa son oreille. On eût dit mille voix confuses, ou plutôt d'une seule clameur qui s'exhalait, en grossissant, des entrailles de la ville. Au même instant, on heurta rudement à sa porte, et Jean s'avança vers elle, portant dans ses yeux l'expression d'une sourde fureur. « Que viens-je d'entendre, Diane ? Que signifie ce tumulte ? Il court par la ville d'étranges rumeurs. C'est à vous de me les expliquer. Jacques, dit-on, s'est emparé cette nuit de Paléoros et a délivré lui-même votre père. Je ne sais quelle fois a jeté ce bruit dans les faubourgs, mais l'étincelle est devenue un incendie. Damariona se révolte. Moni est en armes. On crie dans les rues de Nax, vive Jacques. Mais voyons, Diane, rassurez-moi donc. Dites-moi que les cris de tout un peuple ne sauraient rouvrir une tombe fermée. Les morts ne ressuscitent pas. Non, répondit Diane, dont les yeux fixés sur la cour d'entrée venaient de s'illuminer d'un éclair de joie. « Non, les morts ne ressuscitent pas, mais ceux qui dorment s'éveillent, monseigneur. » Jean allait répliquer quand Pierre Urciolo parut, suivi de plusieurs hommes d'armes. « Jean Crispo, dit-il d'une voix terrible, au nom du duc Jacques, votre maître et le mien, je vous arrête. » Toute résistance était inutile. Jean se laissa conduire dans la tour occidentale du château, où il trouva ses deux frères gardés à vue. Par ma défunte seigneurie de Samos, s'écria Marc en le voyant arriver, pour un homme qui veut agir par lui-même, vous êtes bien maladroit, mon frère. Tirez-vous de ce mauvais pas comme vous pourrez. Nous ne compromettrons pas pour vous défendre l'innocence que vous nous avez si généreusement laissée.